c'était le plus beau t-shirt. Alexandre Barlet, c'était la plus belle photo. Alexandre Barlet, c'était le plus beau barbu. Alexandre Barlet, pieds nus dans son poulailler. Alexandre Barlet, en slip noir il a posé. Alexandre Barlet, et toute la foule s'est écriée. Alexandre Barlet, c'est pas Manuel Burriello. Alexandre Barlet, c'est pas Barclay, c'est pas Lolo. Alexandre Barlet, mais il a gagné le gros lot. Alexandre Barlet. Tu ne rêves pas, tu as gagné. Et même à demi nu dans l'herbe, même avec cette poule superbe, il est punk et il t'emmerde. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. C'était le plus beau t-shirt, Alexandre Barlet. C'était la plus belle photo, Alexandre Barlet.